Caracas. Ah, ah, ah, mon Jojo. Ah, mon caca. Ah, ma caca. Ah, mon zu. Mes amis, hier, je me sentais un petit peu tendu après le concert de Coldplay. Moi, je m'attendais à un truc de malade. Et résultat des courses, le chanteur, qui doit être un des fils de Jacques Martin, un certain Chris Martin, nous a servi de la soupe pendant plus d'une heure. Oh, du coup, je suis sorti en vadrouille pour me changer les idées. Je passe devant un bar, appelé aux amis de la mousquetache. J'étais tenté, mais sans plus. Oui, vous comprenez, je cherchais quelque chose de plus classe pour la soirée, quelque chose de plus chic, un endroit où je pourrais mettre en valeur mon côté gentleman, mon côté... Oui, mon côté Brett Sinclair, Danny Bryan, Dick Rivers... Quand d'un seul coup, le choc, la révélation, le coup de foudre, oui, je n'ai pas peur de le dire, le coup de foudre, ni une ni deux, je franchis le pas du cool lounge country. Eh, c'est bien ici. Ouh, ça m'a l'air soyeux. Eh oh! Ouais, salut le pingouin. Y a un pouf de lait pour Helmut dans ton troquet? Ah, parfait. Donc, Sean l'esclave. Oui, je vais te prendre un schnapps martini. Eh, au shaker, hein, pas à la cuillère. Comme James. Merci, mon brave. Ah, oh, oh, doux Jésus. Quand les burnes du Kaiser me crèvent un œil et me rasent les boules. Mais qu'est-ce que c'est de cette louloute de compète? Oh, je vais l'aborder. Bonsoir, bel enfant. Vous êtes venu pour vous détendre ou bien vous êtes une pute? Oh, ouais, te fâche pas, Vlaine Delia, hein? Relax, ma Jax. Tu bois quoi? Allez, prends un schnapps. Non? Champagne? Ok. Oh, Lister! Une coupe pour la dame habillée comme une pute à côté de moi. Tu lui rajouteras une petite goutte de schnapps discreto au sein, histoire de lui chauffer les viandes. Tiens, goûte-moi ça, la calasse. Cuvée perchu, Billy et Melmouth, ça chauffe le cul, ça enlève les croûtes. Bon. C'est pas tout ça, t'as fini ton verre. On va finir la soirée chez moi, hein. J'en ai des caisses pleines. Hein? 1000 euros la nuit? Bon allez, 15 euros plus un taxi. Bon allez, fais pas ta difficile, quoi. Bon, 20 euros d'accord, mais tu payes nos tacos, madame Claude. Hein. Oh, mon Jojo. On a passé une nuit de cinglé! Mais un truc de fou! Le souci, c'est que j'avais oublié de lui dire que Gunther le barbare était chez moi en ce moment. Mais oui. Ah, je crois que ma nouvelle amie a quelque peu perdu la raison. Je suis sûr que ça ira mieux. Mais oui, tout va s'arranger quand Gunther lui rendra sa jambe gauche. Bon, la droite, c'est mort. Il l'a bouffé. Bon, je vous laisse. Je vais faire pipi. Allez, au revoir.